sur Dante, l'Awake, vendredi 12 octobre 2012. La loi est un fantasme qui nous rend des fantômes, parce que la loi, en ce qui concerne le sexe et l'ivresse, pour ce qui est du fantasme, est le pur sadisme. L'amour est par essence fou, fol amour. Et la loi est aussi écriture, elle est sa seule condition pour la liberté et l'oracle. D'avoir acquis des habitudes de lecture décadentes à mesure que l'on s'encanaille dans les hasards, comme une certaine sauvagerie pour ouvrir les livres, permet de ne plus trouver de gêne à entreprendre le wake comme lecture aussi naturelle que les autres. En ce sens, les livres pieux que l'on pille pour la débauche, tels ceux de Madame Goujon en chef de liste, ne font qu'accentuer les propensions à se sentir à l'aise dans le wake. Et cela ne peut m'échapper que je suis en train de dénommer débauche la pitié qui est à la base de tout. Aube du mardi 16 octobre 2012, 6 novembre 2012, que les femmes de bonne position, tout en me décernant à titre privé une espèce de prix de l'excellence, ne veuillent surtout pas enfanter de moi et que ce soit un délire ou un rêve réservé à celles qui les Kamasutra désignent comme impures, impures et non fréquentables, et de par l'excessive quantité de leurs manigances vénériennes, comporte que souvent les rêves de grossesse soient chez celles à peine frôlées par une étincelle d'innocence. Elles peuvent se faire l'illusion du bonheur, mais à peine esquissées, advient le poids de leur passé, de l'abandon, de la détresse de la femme qui doit avorter. Je n'arrive à être tout à fait comme Pasolini contre l'avortement, mais j'en peux pas m'empêcher de faire le constat de la misère dont cette pratique relève, misère que l'on serait fou de passer sur la narcosse de l'oubli, ou sous l'oubli narcissique, mais qui est révoltante, et je pense que c'était là que la sensibilité de Pasolini avait été touchée. Dire ceci, dans une lecture suspendue du Wake, dans un moment d'inconstance, se rapproche du Wake dans l'exercice de nourrir la bouche d'un avorton cosmique. L'œuvre littéraire, avortée par le réel, mais inscrite à jamais dans sa propre difformité ou forme singulière. Je suis tombé sur un beau passage assez virulent d'une pièce que je lisais parce que je la sentais proche de la désarticulation du Wake, le Naked Lunch de Burroughs. Elle partage les goûts du collage propre à Joyce, le désordre. Voici donc. In Cuernavaca, or was it in Taxco, Jane meets a pimp trombone player and disappears in a cloud of tea smoke. The pimp is one of these vibrations and the theatre artist, which is a mean he degrades the female sex by forcing his cheeks to swallow all his shit. He was continually enlarging his theories. He would kiss a kick treat them to walk out in the if she haven't memorized every nuance of his latest assault in logic and the human image. No, baby, I got it here to give, but if you won't receive it, there's just nothing I can do. He was a ritual tea smoker and very puritanical about junk, the way some tea heads are. He claimed tea put him in touch with superblue gravitational fields. He had ideas on every subject: what kind of underwear was healthy, when to drink water, and how to wipe your ass. Un morceau comme ça équivaut parfois au même esprit igné du wake, assis de proche des secousses d'embonissement. Le lire, pour moi, c'est vomir le pu et la pourriture qui emplissent ma personne, me faire chier quoi et pour du bien. Tout comme la colère et les scènes d'une maîtresse immaîtrisable, d'une dominatrice dont on craint qu'elle nous amènera à vivre la vie en faisant un profil de plus en plus bas et en tirant une sorte de souillure jouissive de là, une jouissance. Lundi 12 novembre 2012, c'est elle l'artiste. C'est le lancer d'un art de la prostitution et les artistes savent que leur condition n'est pas loin de celle des prostituées. Courtisane, diraient ceux qui parlent à la table. Pour ma part, je passe mon temps accroupi, prêt à rebondir, comme au sud ou en orient ou en prison. Et sinon, à présent, forcé de tenir les claviers sur un tas de livres d'art. On voit bien que mon inconscient est riche en expressions libidinales, puisque j'aurais pu penser, pour jeter la suspicion sur l'art, à d'autres manigances, d'autres fantasmes, la drogue, par exemple, matière vivante, plaisir interdit qui tue et qui circule dans l'ombre. Ou dire que la condition d'artiste est semblable à la syphilis, moins l'on sait sur soi-même, soit sur le monde, mieux on mémorise les codes, la dharma, la correcte conduite du samouraï. J'arrive dans un petit appartement aux jolis meubles démodés et complètement déjantés. Les ampoules ne marchent pas, des tas de vêtements de mode et des câbles encombrent les lits, l'espace et en général. Rien ne marche à la salle de bain, ni la lumière, ni la chasse d'eau, ni la chaudière qui évacue goutte à goutte à travers une trompe de tissu sur le WC. La douche froide est tout dans cet espace, celle qui purifie, celle qui sert à boire, celle qui lave les assiettes sur les brosses à dents. Jeudi 6 décembre 2012, j'ai transcrit les notes du cahier 23-11-12. Il arrive que nous devions poursuivre nos buts et que les premiers énoncés seraient de signaler un double, voire triple but. Cela veut dire qu'il y a celui de l'essai ou de l'apologie signalé dans l'avant-propos de faire le bruit d'une canonisation de la fiction, de la poésie, mais qu'il faut ajouter l'exercice à double tranchant d'une sorte d'antiana personnelle, soit pour dire les deux buts à un supplément qui nous fournit la voie expérimentale d'un essai sur Dante, celui de la répétition à titre personnel de la subjectivité de Dante, c'est-à-dire la prière d'insérer un récit autobiographique à titre de registre, de journal et celui de la pratique oraculaire d'ouverture à travers Dante, de toute une série de livres, tout comme dans la Vita Nuova à un moment donné. Dante se pose l'opportunité d'énumérer une quantité considérable de belles femmes de Florence, de faire, en prenant pour appui l'amour d'une femme, les catalogues d'une chaîne de femmes semblables dans leur adéquation à l'amour de Dante.